بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس السادس عشر 16e leçon. قال في السؤال السابع والسبعين 77e question. بماذا يحكم المسلمون؟ Par quoi les musulmans doivent juger? Par quoi ils se gèrent? Quel est leur point de retour? قال في الجواب بالكتاب والسنة. Par le livre qui est le Coran et la Sunna, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celle qui a été authentifiée. ودليل قوله تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. Donc dit Allah dans le sens, il dit jure en parlant à son messager, juge entre eux parce que Allah a fait descendre et ne suis pas leur passion de ce qui t'est venu comme vérité. Al-Ma'ida, la table de service, verset 48. وقوله تعالى ان الحكم الا لله, que le jugement ne revient que à Allah. Al-An'am, les bestiaux, verset 57. وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Que ce que le messager vous a apporté, prenez-le. Ce qui vous a interdit, délaissez-le. Al-Hashr, verset 7. Donc là, il faut savoir, c'est une masala qui est très importante. Car beaucoup de gens, comme cela va arriver, placent ce sujet-là que sur les gouverneurs. Ce sujet-là touche tout muslim. Ce sujet-là touche tout muslim. Qui soit baalir. Lorsqu'il a un jugement à faire, il émet un jugement qui provient de la législation ou qui y est conforme. Lorsqu'il a un conflit avec quelqu'un, il revient au livre et à la sunna. Il ne revient pas aux lois du pays des mécréants ou aux lois que les pays des musulmans auraient instaurées qui ne sont pas celles du livre de la sunna. Akaza. Et cela va venir, inshallah, parmi les masaïl par la suite. Donc cela est valable pour le père et son fils, ou ses enfants, ou avec sa femme, ou la femme avec son mari, ou le patron qui aurait des employés, ce serait un musulman, par exemple, ou un enseignant dans son école, et tout cela. Toute personne qui a autorité ou qui a un conflit ou qui a un jugement à émettre, il doit émettre un jugement qui provient du livre de la sunna. Et si jamais ce n'est pas un jugement qui est précisément décrit dans le livre de la sunna, il faut que son jugement, que c'est un ijtihad, qui soit conforme et ne s'y oppose pas. ثم قال في السؤال 78 78e question. Ma huwa at-ta'arut? Qu'est-ce que le ta'arut? Qala, là il apporte la définition d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, huwa ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. C'est tout ce par quoi le serviteur dépasse les limites. C'est-à-dire les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par son la chose qu'il adorerait ou la chose qu'il suivrait ou la chose à laquelle il obéit. Ça veut dire qu'il adore autre que Allah, qui suit autre que ce que Allah Azza wa Jal a imposé de suivre, et qu'il obéit à autre que Allah et à son messager, dans une chose qui s'oppose à ce que Allah et son messager ont ordonné. Tout en rendant cela licite. Et après, il y a eu un khilaf dans la mas'ala. Est-ce que le mubtadi', l'innovateur, est un ta'arut? Et des ulama disent que oui. Car tu lui auras obéi dans ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam t'aura interdit de faire, et bien même dans ce que Allah t'aura interdit de faire. Donc de là il y a eu un khilaf, est-ce que le mot ta'arut implique forcément un takfir, le fait de rendre mécréant ou pas? Donc ceux qui voient que le mubtadi' peut être appelé ta'arut, un mubtadi' qui n'est pas d'une bid'a, innovation qui sort de la religion, cela veut dire que le mot ta'arut n'implique pas forcément un takfir selon leur terminologie. Wallahu ta'ala alam. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du ta'arut. Donc le ta'arut, c'est tout ce qui t'amène à outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi je précise que des fois l'auteur dit d'autres versets et d'autres hadiths, je ne cite pas forcément pour résumer le cours, et des fois un dalil suffit ou un hadith suffit. Donc ce n'est pas forcément un oubli, des fois c'est volontaire. Non. Ou alors des fois, c'est une question que je cite, qui est dans le livre, que je ne cite pas moi, c'est peut-être que je rencontrerai une difficulté à pouvoir l'expliquer, ou que ce serait ambigu, et cela pourrait causer plus de problèmes qu'autre chose, ce qu'on appelle un tashwish, pour celui qui écoute. Donc des fois, j'évite. Bimbeb kolila ta'ala, wala takfu malisa la kabi ilm. Et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Donc des fois, les masaïl, elles sont dures à expliquer. Surtout en français, ou des masels que moi-même je n'ai pas forcément bien acquis, qui ne sont pas bien acquises chez moi, donc je ne les donne pas par rapport à cela. Et la honte n'est pas de se taire ce qu'on ne connaît pas, mais le contraire de parler de ce qu'on ne connaît pas. وَنْتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ثم قال في سؤال 79e question كم رؤوس التواغيت combien maintenant sont on va dire les têtes meneuses leaders des tawarit tawarit c'est le diable de tawarit il dit ils sont le 5 en premier lieu iblis qui est le père des djinns والدليل قوله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل التاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا dans le sens où Allah dit ceux qui ont cru combattent sur le sentier d'Allah et ceux qui ont mécru combattent sur le sentier de Shaitan ou plutôt du Taghut afwan sur le sentier du Taghut alors combattez les alliés de Shaitan ce qui va ensemble car certes le complot de Shaitan est faible An-Nisa les femmes verset 86 au 76 Thaniyan deuxièmement celui qui était adoré en dehors d'Allah alors qu'il agresse cela. Celui qui adorait en dehors d'Allah et qui agresse cela. On avait expliqué que l'adoration, c'est une chose qui est très, très large. Et des fois, les gens adorent et ne se rendent pas compte. Ils font un acte qui est considéré comme une adoration en islam et lui pense qu'il n'adore pas, alors qu'il adore. Donc celui qui ressent cela et qui agresse cela est un tarout. Donc Allah Ta'ala, « Innakum wa ma ta'buduna min dunillah, hasabu jahannam, antum laha waridun » Que vous serez vous, ainsi que ceux que vous adorez, d'accord, en dehors d'Allah, vous serez le combustible du feu. Et vous allez y passer. Donc là, la condition, elle est bien précise. Celui qui adorait et qui agrée cela, ce qui exclut Isa alayhi salam, qui a été adoré en dehors d'Allah, Uzair, ou les anges, ou peut-être même des alliés d'Allah qui ont été adorés après leur mort, qui ont été enterrés, que les gens se sont mis à les adorer. Comme Ali, radiallahu anhu, qui est adoré par une partie des Shia, des chiites, les rafidah, qui lui ont attribué des sifat uluhiya. Naam. Alors que lui n'a jamais appelé à cela, il est innocent de cela, il les aurait tués pour cela. D'ailleurs, il a voulu les tuer, les brûler. Quand certains ont dit tuer Allah, il les a brûlés. Il en a pris certains d'entre eux, il les a brûlés. Et Ibn Abbas l'a réprimandé pour cela, car Ali, radiallahu anhu, ne connaissait pas le dalil qui disait qu'il était interdit de brûler. Ibn Abbas a dit qu'il y a eu raison de les tuer, mais pas comme s'il y est pris, pas en les brûlant. Comme a déjà fait le hadith, « La yu'azib bin nar, illa rabbu nar » que personne ne châtie par le feu, hormis le Seigneur du feu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc troisième, « Man da'a al-nas, illa abalati nafsihi » maintenant celui qui appelle les gens à ce qu'il adore. Le précédent, celui qui était adoré, même s'il n'a pas appelé, mais il agrée cela. Maintenant le troisième, celui qui appelle les gens à le faire. Même s'ils ne le font pas, il les appelle à faire cela, c'est un tarout. Comme ce fut le cas de Pharaon. Bikolihi. Faqala ana rabbukumul a'la. Je suis votre seigneur le plus haut. Donc Pharaon, surat al-Naziat, celle qui arrache, verset 23. Moi, dans le livre, il y a un trou. Les versets ne sont pas cités. Ça passe de 22 à 24 directement et c'est une erreur d'édition. D'imprimerie plutôt, d'impression. Et le verset, celui-là. Faqala ana rabbukumul a'la. Rabi'an man idda'a 'ilm al-ghayb, celui qui prétend connaître l'invisible ou le futur. Comme on aurait pris dans les doulous précédents, comme les devins, les médiums, les voyants, les astrologues, et tous ces gens-là, et même les sorciers et autres. Wa dalil qul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Celui qui va voir un devin ou un médium et qu'il le croit dans ce qu'il dit, il aura mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shahid, c'est celui, regardez le jument qui s'applique, celui qui va le voir et qui l'interroge. Donc comme le dit l'auteur, alors qu'en est-il de cette personne en elle-même, ce médium en lui-même? Le jument, c'est celui qui va le voir et l'a mécru. Alors qu'en est-il de celui qu'on vient voir? Il est encore pire. Il est pire encore. ثم خامسا قال من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن غير حكم الله مساوى لحكم الله أو أحسن منه. Celui qui juge par autre que la loi d'Allah, en ayant pour croyance que ce jugement, c'est-à-dire autre que celui d'Allah, équivaut à celui d'Allah ou meilleur que celui d'Allah. Il le préfère. Celui-là, il aura mécru, et cela sera un tarout. C'est une condition qui est importante. Car des gens se mettent à rendre mécréant automatiquement toute personne qui aura jugé par autre que la révélation. On dit non, cela rentre dans les grands péchés. Hormis s'ils voient cela comme étant permis. Ils voient qu'il est, il lui est permis de faire cela. Ou alors qu'ils pensent que ce jugement est meilleur que celui d'Allah ou égal à celui d'Allah. Lui, il aura mécru. Donc il y a un tafsil dans la question. ودليل قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى التاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu à ceux qui prétendent avoir cru en ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent juger quand même entre eux, tranchés par le taghout, alors qu'il leur a été ordonné d'y croire en ce taghout. Et Shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. An-Nisa, les femmes, verset 60. Thumma qala fi su'al 80, 80e question. Ma hiya al-Lat wa al-Uzza wa Manat. Quelles sont ces trois choses qui sont Lat, al-Uzza wa al-Manat? Qala fi jawab, hiya awthan kanat tu'bad fi al-jahiliya min dunillah. C'était des idoles qui étaient adorées avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par les Arabes qui étaient adorés en dehors d'Allah. Des idoles. Des idoles. ثم الدليل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة والمناة الثالثة الأخرى. Avez-vous donc vu اللات et العزة ainsi qu'المناة et les trois autres qui étaient de taghout? Ce sont de taghout. Même si elles sont des choses inertes, ce sont de taghout. Car par leur cause, les serviteurs ont outrepassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم دونك في هذا الكود نكتفي اليوم وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك